بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc cette série concernant les invocations et les azkar. L'auteur qui nous dit رحمه تعالى وعنه, c'est-à-dire d'après أبو هريرة رضي الله عنه أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا أمسى ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمى تلك الليلة رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن والحمى سم ذوات السموم كالعقرب والحية ونحوهما. Et donc d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit trois fois lorsqu'il se trouve en soirée, j'implore la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ceux qu'il a créés, celui qui dit cela trois fois, alors aucun venin ne lui fera du mal, aucun venin ne lui fera de mal en cette nuit-là. Rapporté par l'imam Ahmed ainsi que Tirmidhi avec une bonne chaîne de transmission. Et donc le venin, ça va être le poison de toutes les bêtes qui vont avoir un venin comme les scorpions et les serpents et autres. L'auteur qui continue wa akhraja muslimun fi sahihihi an khawla bint hakim radiyallahu anha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man nazala manzilan فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. Et l'imam Muslim رحمه الله il cite dans son sahih d'après Khawlah bint Hakim radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui descend à un endroit, une station quelque part, un endroit où il s'arrête, et ensuite qui dit j'implore la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, rien ne lui fera de mal à cet endroit-là où il s'est arrêté jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Et donc celui qui dit cette invocation, barakallahu fikoum, il va être protégé contre les serpents, contre les scorpions. Et vous savez très bien en Martinique, on a des serpents. Et donc, il convient encore plus qu'on invoque Allah tabaraka wa ta'ala en utilisant cette invocation. Et d'ailleurs, certaines personnes ne connaissent les causes pour se préserver du mal. Certaines personnes ne connaissent que les causes que vont citer les spécialistes, hein, des diverses sciences mondaines, mais ne vont pas faire attention aux causes citées par celui qui a été envoyé par le Seigneur de toutes choses. Celui qui connaît ses créatures, celui qui nous dit « Ela ya'lamu man khalaqa » ne connaît-il pas ce qu'il a créé ? Et certes, les paroles d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce sont les paroles universelles ainsi que les paroles législatives. Donc les paroles universelles ainsi que les paroles législatives. Et le Coran rentre dans cela. Et donc les paroles universelles, donc lorsque Allah crée quelque chose et qu'il dit « soit », les paroles législatives, lorsque Allah dans son livre, il nous dit que telle chose est interdite ou telle chose est obligatoire, etc. Et certes, les savants, ils ont cité que ce hadith est une preuve que le Coran n'a pas été créé. Wa alaykoum assalam wa barakatou. Que le Coran n'a pas été créé. Et que si celui-ci avait été créé, il n'aurait pas été permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas imploré la protection des paroles d'Allah. Parce qu'il est interdit d'implorer la protection d'une créature. Et donc ici, barakallahu fikoum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam implore la protection des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le mal qu'il y a dans les créatures d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et donc le Coran n'a pas été écrit. Le Coran est la parole d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Sa parole fait partie de ses attributs et les attributs d'Allah n'ont pas été créés. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'auteur qui continue et qui nous dit wa an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abza عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. Et donc d'après Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abza, d'après son père, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se trouvait à l'aube et en soirée, il disait « Osbahna ». Et donc pour l'aube, nous nous trouvons à l'aube sur la religion de l'islam et sur la parole de l'unicité et la parole donc de la sincérité. Et sur la religion de notre prophète sallallahu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la religion de notre père Ibrahim, qui était un hanifan muslima, qui était un homme, un monothéiste pur et soumis, et qui ne faisait pas partie des polythéistes. Subhanallah. Et donc le musulman, il commence sa journée avec cette belle parole. Il affirme la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala sur lui, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ait permis de se trouver à l'aube musulman, avec la meilleure des religions, la religion du monothéisme. La seule religion monothéiste. La seule religion monothéiste. C'est une erreur de dire que donc le judaïsme et le christianisme et l'islam sont les trois religions monothéistes. Ceci est une erreur. Cela n'est pas correct. La seule religion monothéiste est l'islam. Et d'ailleurs, l'islam est la seule religion acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal qui dit « Inna dina indallah l'islam ». La seule religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Et donc, tant que le serviteur atteste cette belle parole des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur lui, comme le fait d'avoir cette religion, alors ce serviteur-là, il ne va pas innover. Il ne va pas innover, il ne va pas rajouter des choses dans la religion qui ne font pas partie. Tu viens de remercier Allah tabaraka wa ta'ala quant à ce bienfait qu'il t'a donné, l'islam. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose sur l'islam? Le bienfait qu'Allah t'a donné n'était-il pas complet? Bien sûr qu'il est complet. Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de rajouter quelque chose? Pourtant, c'est une religion qui est complète. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, « El yaouma akmeltu lakum dinakum ». Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. « Wa atmamtu alaykum ni'mati » et j'ai parachevé sur vous mais bien fait. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et aussi cette personne qui atteste que l'islam est un bienfait, cette personne qui remercie son Seigneur pour cette religion, eh bien cette personne ne va rien rejeter de l'islam. Cette personne va accepter la religion musulmane, elle va l'accepter pleinement. Tu ne viens pas dans un supermarché ou dans un souk où tu choisis ce que tu veux. Non, tu acceptes la religion de ton Seigneur. Tu viens de faire cette invocation dans laquelle tu dis, nous sommes sur la religion de notre père Ibrahim, qui était hanifan, monothéiste pur, musliman, soumis. Et toi d'ailleurs, tu ne veux pas te soumettre? Mais non, mais soumets-toi aussi. Soumets-toi pleinement à la religion d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatish-shaytan. Ô vous qui avez cru, rentrez pleinement dans la religion. Rentrez pleinement dans la religion et ne suivez pas les pas du diable. Et cette personne, ce serviteur, va donc reconnaître la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala sur lui lorsque cette personne se trouve à l'aube et qui prononce donc la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Et donc il n'accorde aucun associé Allah tabaraka wa ta'ala, il s'éloigne du polythéisme, de toute forme de polythéisme, le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Cette personne donc, à l'aube, reconnaît parmi les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur lui, et donc le fait que cette personne se trouve sur la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette invocation, il est cité, Asbahna ala millati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous trouvons à l'aube sur la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsque tu vas prononcer cette parole, est-ce qu'il est convenable qu'après, tu fasses prévaloir la parole d'un autre être humain à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète, il te dit, ne fais pas ça. Quelqu'un t'a dit, oui, Yadjouz, c'est permis de le faire. Tu vas aller faire. Tu viens de dire, nous sommes sur la religion de Mohammed, hamdoulillah, hamdoulillahi rabbil alamin. Et derrière, c'est pas grave, il a dit ça, le prophète Mohammed, mais tel cheikh, il a dit. Tel cheikh, comment ça, tel cheikh, il a dit? Allah, il nous dit, ya yualladina amanu, la tuqaddimu bayna yadi illahi wa rasouli. Oh, vous qui avez cru, ne faites pas devancer, ne devancez pas Allah et son messager. Ne devancez pas Allah et son messager. Personne ne passe devant eux. Personne. Oh, la parole de personne ne passe devant la parole d'Allah ou la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il faut qu'on s'éduque là-dessus, qu'on corrige ce problème des invocations qu'on fait matin et soir, mais dans l'application, dans la mise en pratique, nous allons avoir des manquements que nous devons corriger impérativement. Et donc le cheikh Ibn Baz rahimahullah, il a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait cette invocation matin et soir. Et certes, c'est la narration de Waqi'a, et c'est un grand parmi les imams du hadith. Cependant, la narration de Waqi'a, elle s'oppose à la narration de Yahya ibn Saïd al-Qattan, qui est justement, dont les narrations de Yahya sont plus fortes que celles de Waqi'a. Ce sont deux grands savants, mais donc Yahya, donc les narrations de Yahya vont prévaloir sur celles de Waqi'a. Et en plus du fait que Yahya ibn Saïd al-Qattan n'était pas tout seul, c'est-à-dire que Waqi'a est donc le seul à avoir apporté cette information, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait cette invocation le matin et le soir. On a tous les autres narrateurs, ils n'ont pas cité ça dans leur hadith. Ils disaient tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il citait cette invocation lorsqu'il se trouvait à l'aube. Ils n'ont pas cité le soir. Et donc cette invocation fait partie des invocations du matin, des invocations de l'aube. Elle ne fait pas partie des invocations du matin et du soir. Ensuite, le cheikh qui nous dit, « Wa an Abdirrahman ibn Abi Bakra, annahu qala li abihi ya abati, inni asma'uka tad'u kulla ghadat, Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسي ثلاثا قال نعم يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأحب أن أستن بسنته صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. Et donc d'après Abd al-Rahman ibn Abi Bakra, qui dit que son père, il a dit à son père, « Oh mon père, je t'entends à chaque fois invoquer en disant donc tous les matins, « Oh Seigneur, préserve-moi dans mon corps, oh Seigneur, préserve-moi dans mon ouïe, oh Seigneur, préserve-moi dans ma vue, Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de toi. Tu répètes cela trois fois. À chaque fois, ô mon Père, à chaque fois tu répètes cela. Et lorsque tu te trouves en soirée, à ce moment-là, tu dis, ô Seigneur, j'implore ta protection contre la mécréance, contre la pauvreté. Et j'implore ta protection contre le châtiment de la tombe. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de toi. Tu répètes cela trois fois, mon Père, lorsque tu te trouves à l'aube. Trois fois le matin et trois fois à l'aube. Et donc le Père qui répond, Naam, oui mon fils, certes, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquer avec ses mêmes invocations, alors j'aime suivre sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans cette invocation, le serviteur, donc il va implorer son Seigneur la protection dans son corps, dans son ouïe, dans sa vue, hein, qu'Allah azza wa jal le protège dans ses membres, car on le sait très bien, barakallahu fikoum, que nous avons besoin de la santé pour accomplir beaucoup d'actes d'adoration. Beaucoup d'actes d'adoration, et c'est pour cela que les ordres dans la législation sont liés à la capacité. Les ordres dans la législation sont liés à la capacité. Il nous est ordonné de prier debout si nous avons la capacité. Si nous n'avons pas la capacité, alors assis. Si nous n'avons pas la capacité, alors couché. Ainsi de suite. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on évoque Allah Azza wa Jal, qu'il nous préserve dans notre corps, concernant notre santé, et aussi concernant le fait qu'on utilise nos corps, le corps qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné, dans le bien, et qu'on ne tombe pas dans le péché. Il y a aussi dans cette invocation le fait que le serviteur implore la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le fait de tomber dans la mécréance. Et en réalité, c'est le plus grand mal qui peut toucher l'individu. Le fait de tomber dans la mécréance. Tu peux tomber malade, tu peux avoir n'importe quelle maladie qui te touche dans ton corps. Rien n'est plus grave que celle qui va te toucher dans ton cœur, c'est-à-dire les maladies du cœur telles que les innovations, le shirk, et la mécréance, etc. Et la plus grave des maladies du cœur, c'est la mécréance et le shirk. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse tout pour ne pas tomber dans ce grand mal. Wallahu al-musta'an. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui vont avoir plus peur de la pauvreté que de tomber dans la mécréance. Car les péchés que nous faisons sont des péchés qui mènent l'individu à la mécréance. Tout péché que tu fais, hein, tout péché que tu fais va noircir ton cœur. Jusqu'à ce que ton cœur soit recouvert de tous les péchés que tu as accomplis. Quelle belle rana ala kulubihim kenu yaksibun. Non, mais leurs cœurs sont couverts de ce qu'ils ont accompli. Des gens qui se retrouvent, qui tombent dans la mécréance, hein, qui quittent l'islam, qui vont apostasier, à cause de quoi ? À cause du fait qu'ils ont accompli des péchés, des péchés, des péchés, des péchés, jusqu'à ce que le cœur soit sombre et ne comprenne plus rien et que la personne sorte de l'islam. Et donc des gens vont faire des négligences et négligences et négligences et négligences et négligences en tombant dans des péchés, dans des péchés, dans des péchés et des péchés. Tout ça pour obéir à un patron non-musulman qui va lui donner un salaire. Et donc on va avoir plus peur de la pauvreté que de la mécréance. Et ça, c'est pas normal. Et ça, ce n'est pas normal. On doit avoir peur de tomber dans la mécréance, peur des péchés que nous faisons tous les jours, implorer la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Oh Allah, préserve-moi, sors-moi de cette situation dans laquelle je suis. Et pardonne-moi mes péchés, oh Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, qu'on s'efforce de corriger nos fautes. Il y a aussi dans ce hadith le fait que les parents doivent être des exemples pour leurs enfants. Ici, ce père qui faisait des invocations, l'enfant qui voit son père faire des invocations et qui l'entend, il vient lui demander, oh Abi, oh mon père, je t'entends dire ça, ça, ça, ça, ça. Hein? Le père est un exemple pour ses enfants. L'enfant ne vient pas voir, oh Abi, je t'ai entendu écouter de la musique et tout. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Oh Abby, j'ai vu regarder telle chose. Qu'est-ce que tu regardes comme telle chose? Nous devons être des exemples pour nos enfants. L'éducation que nous leur donnons, nos enfants doivent entendre le Coran. Ils doivent entendre la Sunna. Ils doivent voir le Coran et la Sunna sur nous. Nous devons être un exemple pour eux concernant la prière. Si notre enfant, il nous voit tout le temps en retard dans la prière, lui, il va être comment, lui? Il voit son père qui est tout le temps en retard dans la prière, tout le temps. Eh bien, lui, c'est soit il sera comme son père, tout le temps en retard dans la prière, soit pire que son père, sauf si Allah le sauve. Mais son père n'est pas un exemple pour lui. Et donc, on doit impérativement faire en sorte d'être des exemples pour nos enfants dans la religion que nous suivons, dans la religion musulmane. Et enfin, le cheikh qui nous dit, وَيُشْرَعُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ أَنْ يَكُولَ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 100 مَرَّةٍ حَتَّى يَكُونُ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي لِمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. Et donc le cheikh il nous dit, certes, pour finir, il est légiféré pour le musulman, pour tout musulman et toute musulmane, de dire lorsqu'il se trouve à l'aube, la ilaha illallah, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et sans associé, à lui appartient la royauté, toutes les louanges lui reviennent et il est capable de tout. Celui qui dit cela 100 fois, donc, naam, 100 fois donc dans la journée, donc le matin, afin qu'il soit dans la protection contre le diable durant sa journée jusqu'à ce qu'il se trouve en soirée, et ceci en se basant sur les preuves citées précédemment, dans Sahihain, le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé, à lui appartient la royauté, à lui reviennent toutes les louanges, et il est capable de toutes choses. Celui qui dit 100 fois cela, alors cela sera pour lui comme le fait de libérer 10 esclaves, et il lui sera inscrit 100 bonnes actions, et effacer 100 bonnes actions, et cela sera pour lui une protection contre le diable jusqu'à ce qu'il se trouve à l'aube, et personne ne viendra avec un meilleur acte que celui avec lequel il est venu, sauf un homme qui a fait plus que lui. Et celui qui dit subhanallah wa bihamdi, celui qui dit donc pureté à Allah et toutes les louanges lui reviennent, celui qui dit cela durant la journée 100 fois, alors à ce moment-là, ses péchés seront effacés, même si ceux-ci sont semblables à l'écume de la mer, c'est-à-dire même si ses péchés sont nombreux. Et ces deux hadiths-là, on les avait déjà vus, ou du moins ce hadith-là, on l'avait déjà vu précédemment. Donc, on va juste se suffire de la lecture, Inch'Allah ta'ala, et on continue. Donc cette épître la semaine prochaine, وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.